Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Et c'est parti pour Hind en Brezonnik, cette semaine encore. Henri nous guide sur les chemins du breton, les multiples chemins du breton, j'ai l'impression, Henri, quand ouais. même. Alors, aujourd'hui, 470, Père Hind des Quatre Huguenots. Eh oui. On va prendre un mot court, et qui pourrait dire court aussi, c'est ber, mais c'est avec un seul R. Alors, c'est d'abord un mot masculin, qui veut dire l'égout, mais pas les canalisations qui canalisent les eaux usées. L'égout, c'est par exemple l'eau qui tombe des toits. Ah, d'accord. L'égout des toits. Oui, c'est un peu vieillot en français aussi, l'égout, hein. Mais l'égout, c'est ça au départ, c'est ce qui tombe d'un toit. D'accord. Et l'égout des toits, normalement, n'appartient pas à celui qui est propriétaire du toit. C'est pas vrai. Alors, il y a des polémiques parce que on récupère l'eau des toitures. En fait, normalement, elle devrait s'écouler naturellement dans la nature puisqu'elle fait partie du bassin versant. Donc, voilà, c'est peut-être qu'un jour, il y aura des procès sur l'égout des toits. Ah, c'est possible, avec toutes les surfaces bétonnées aussi, ça peut marcher, oui, ça. Oui, oui, l'égout. Parce que ça représente énormément d'eau. Oui, bah oui, puisque si on a une pluviométrie de 800 mm hein, par an, ça fait 800 litres au mètre carré, hein, ça fait quand même beaucoup d'eau. Voilà, donc ber, alors c'est un mot qui n'est pas très employé, hein, au sens le mot masculin, l'égout, c'est pas très employé, en français non plus d'ailleurs. Alors c'est aussi un adjectif qualificatif qui veut dire courant, ber courant, coulant, d'accord. Coulant. C'est donc c'est pas très employé non plus, et c'est une racine donc qui désigne tout ce qui est un écoulement, une fuite aussi. Donc c'est une racine qu'on trouve aussi en gallois et en cornique. Voilà. Alors les mots composés à partir de cette racine sont plus courants que les mots dont j'ai parlé tout à l'heure là. Berade par exemple, berade c'est une goutte, hein. C'est un mot masculin aussi, or beradour, hein. Donc une goutte d'eau, hein. C'est un peu comme une daken aussi, ouais. Et berade c'est souvent on dit ça pour dire par exemple pour une boisson, oh berade, ah. Ouais. On saura qu'il faut dire comme ça maintenant, Henri, merci. Ouais. Des fois, il y en a qui font ça sans regarder, d'ailleurs. Ils laissent couler quand même. Alors, il y a l'équivalent féminin, c'est beraden. Hein. Donc, là, il y a une mutation après l'article, c'est veraden, hein. Une coulée. Alors, beradin, le verbe beradin, qui veut dire goûter. Hein. Bon, on fait du goutte à goutte maintenant pour arroser les plantes. Hein. Voilà. Berache, l'égouttage, masculin aussi. Alors, berrant, c'est le verbe couler. C'est couler ou fuir aussi, hein, ça dépend. On trouve ça dans beaucoup de mots, d'expressions. Par exemple, il y a divérant aussi, hein. Divérant, c'est s'écouler. Divérant randour de the gui. Hein, l'eau s'écoule des arbres. Et d'ailleurs, on emploie le terme divéradur pour dire ça, hein. L'eau qui tombe des arbres, hein. On dit verra dur de the gui. Quand il pleut, au début, on est abrité sous les arbres. Et puis après, on est arrosé. Même plus que par la pluie. Voilà. On dit verra dur. Alors, par exemple, il y a aussi kember. Alors, kember, c'est couler ensemble. C'est un confluent qui a donné quimper, d'ailleurs. Et kemperant, le verbe, c'est confluer. Alors, divéradur, je l'ai dit, hein, ça, c'est assez employé, hein, l'écoulement. Divéradur de the gui. C'est la laïta et l'odé à Quimper? Non, c'est pas la laïta. Ah non, c'est pas la laïta. C'est l'odé et le stéhir. C'est ça. L'odé et le stéhir en ville, hein, confluent, quoi. Voilà. Et ça a donné un verbe, un kemperin, qui est donc conflué. Alors, gouvériant aussi. Gouvériant, c'est irriguer. Un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, parce qu'en Bretagne, on n'irriguait pas beaucoup jusqu'à présent. Donc, béran, J'ai dit aussi, oui, que béant, ça veut dire fuir. Hein, fuir, donc, un récipient. Hein, voilà, béant, Nelorn, hein. Aussi, ici, on dit Huorn, pour le seau. Hein. Et c'est Kellorn, hein, en breton écrit, c'est Kellorn. Hein. Hellorn, hein. Voilà. Petramond, Béranra, Varitien, hein. Béranra, Gastelhoden. Hein. Voilà. Autrefois, il y avait des gars qui passaient comme ça pour reboucher les casseroles percées. Les réétamer? Non, ils mettaient une espèce de petite rustine, là, avec un rivet. Ouais, ouais. Et voilà, c'était un petit métier, quoi. Ouais, ouais. Aujourd'hui, les casseroles percées, on les balance. Voilà. Alors, berustet, c'est la fluidité. Hein. Berus, c'est fluide, liquide. Hein. Et pour terminer, alors, alors, c'est pas un trou court, mais c'est un trou d'écoulement, par exemple, dans un pot, pour écouler le trou de drainage hein, qui se trouve au fond du pot, c'est une toulber. Voilà. Eh ben, on a fait un petit tour sur les fuites et les écoulements. Et on passe à Brézonec Tambatamb. Brézonec Tambatamb, c'est le moment soit du dialogue dans Brézonec Tambatamb, soit d'une petite explication. Oui. Et il me semble qu'aujourd'hui, on va faire plutôt de la découverte. Oui, j'avais envie de parler du Blaveil, pour plusieurs raisons, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment avec la sec du barrage de Guerre-les-Dents. Et puis, on parle du canal de Nantes à Brest, qui est alimenté en partie par le Blaveil. Enfin, en partie seulement, puisqu'il y a, en fait, il y a deux canaux. Hein. Il y a Glomel-Nantes et Glomel-Brest, hein, qui se rejoignent, et qui partent du même point culminant à Glomel, mais donc qui est alimenté par l'eau de l'Aulne, par exemple, et l'eau du Blaveil. 184 mètres. 184 mètres à Glomel, oui. Je crois qu'il y a trois points où le Blaveil part dans un sens et dans un autre. Ouais, c'est assez particulier. C'est une construction assez compliquée, oui, le canal. Donc, le Blaveil, c'est un fleuve côtier, donc, qui est issu du château d'eau de la Bretagne, qui est le Kreisbreiz, hein, comme d'autres, hein, comme le Lierre, par exemple, le Scorff qui prend sa source à Mélionnec. Le Légué, oui, et le Trieux aussi, hein, ils sont tous dans un mouchoir de poche, là. Hein, donc le Kreisbreiz, en fait, est très important pour l'eau en Bretagne. Hein. Voilà, c'est ici le château d'eau. Hein. On a quand même de la richesse ici. Hein. Voilà. Alors le Blaveil, c'est un fleuve côtier, c'est pas une rivière. Hein. Alors c'est quoi la différence? Ben, le fleuve se jette dans la mer, et tandis qu'une rivière se jette dans une autre rivière ou dans un fleuve. Donc il fait 147 km de longueur, et donc il a un très beau bassin versant. Hein. Donc ici, nous sommes dans le bassin versant du Haut Blaveil. Voilà. Alors, il part de l'étang de Saint-Lorgan. Enfin, il part un petit peu avant l'étang de Saint-Lorgan. Et donc, la première réserve d'eau à partir du Blaveil, c'est l'étang de Saint-Lorgan, qui est un ancien étang de moulin, qui se situe maintenant dans la commune de Kerrien, puisque Saint-Lorgan fait partie de Kerrien. D'ailleurs, Frédéric Bonhomme, c'était un poète bistrotier. Mais oui, de Kergrismoëlou. De Kergrismoëlou. Hein. Donc, qui a écrit beaucoup de poèmes et rassemblé dans un ouvrage qui s'appelle La Voix de l'Argoite. Et le mot Argoite, d'ailleurs, à Kergris, a une signification particulière. On reviendra là-dessus un jour. Et il l'appelle le fils de Saint-Lorgan. Le Blaveil, le fils de Saint-Lorgan. Alors petit à petit, le blavet. On appelle l'étang du Blavet d'ailleurs. Oui, l'étang du Blavet, oui. Pas l'étang de Saint-Norgant, non, beaucoup disent l'étang du Blavet. Ah, oui, on dit l'étang du Blavet, oui. C'est pas passé quelque chose là-bas ? Stangerblav, oh, il y a eu beaucoup de choses, hein. Oui, oui. Il y a eu une histoire, hein. Oui, oui, il y a beaucoup de choses dans l'étang du Blavet. En particulier, il y a eu le recteur de Saint-Norgant qui s'était noyé. Donc, et qui était tombé dans le Blavet avec son vélo, et on l'a retrouvé debout sur son vélo, noyé. Et puis pendant la guerre aussi, il y a eu une personne qui a eu la vie sauve grâce en fuyant à la nage dans l'étang. Voilà. Alors le recteur, c'était l'abbé Jamette, hein, donc qui est mort dans l'étang de Saint-Lorgan. Alors petit à petit, le Blavet grandit. Entre Pembrit et Trémargat et Lanrivain, il donne naissance depuis 1980 à un autre étang encore, Kernéuel, donc qui est une réserve d'eau pour beaucoup de communes. L'adduction d'eau part de là pour beaucoup de communes du centre Bretagne. Et donc, c'est géré par un syndicat mixte, hein, le SMKU, Kernéuel, Haute-Cornouaille. Voilà. Et puis, dans la vallée entre Lanrivain et Trémargat, il va se perdre dans les rochers de Toulgoulic. Hein. Et ça donne un... Parce que là, il y a un chaos rocheux, un chaos granitique, c'est-à-dire le granit donne une érosion en boule, hein, et ces boules finissent par dévaler la vallée et tombent au fond, hein. On disait autrefois que c'était le géant Boudédé qui avait vidé son sabot, là, mais il y a une explication plus scientifique, peut-être moins poétique. Et d'ailleurs, dans la chanson « La rue Ngoz », par exemple, Guillaume Le Goff, là, qui était de Lanrivain, a parlé justement de pas mal du Blavet. Hein. Et il dit, par exemple... D'où reblaves au glorius, et de Douars et bon de Mellon, mais rue de Toulgoudig et en ben. C'est-à-dire que l'eau du Blavet est fière quand elle coule sur le sable doré, mais arrivée à Toulgoudig, elle est obligée de contourner l'obstacle. Et de se cacher. Et de se cacher même. Hein. Et il y a plusieurs strophes de cette chanson, une très belle chanson, qui parle du Blavet, justement. Il y a aussi Johan de Brenneberg, hein, qui Yves-Marie Joncourt, qui a écrit une chanson qui s'appelle Un Héros Rousse. Alors Un Héros Rousse, c'est la rivière du Lort. Donc les sommets roux, hein, donc parce que il parle des collines, la rivière Héros Rousse. Et bon, il parle beaucoup du Blavet dans sa chanson, puisque lui était un pêcheur, hein, qui venait de Rostronin. Il tenait un hôtel à Rostronin, et il a été adjoint au maire de Rostronin. C'est lui qui a fait venir le collège à Rostronin. Enfin bon, je vais pas m'étendre sur Johan Brenneberg parce que ce serait très long, mais il aimait beaucoup le Blavet et il venait à la pêche sur le Blavet. Et pourquoi Johan Brenneberg s'il s'appelait Joncourt? Ben oui, bon, Joncourt, le Brenneberg. Ah, le Joncourt, oh, je n'avais pas pensé. Ouais, ouais. D'accord. Nom de plume, Johan de Brenneberg, oui, oui, oui. Voilà, il a beaucoup parlé du Blavet dans sa chanson, qui est très belle, quoi. Voilà. Alors, le Blavet, par la suite, va récupérer le Sulon, hein. Comme dit Frédéric Bonhomme, le glorieux Sulon, qui vient gonfler son cours. Après, donc ça, c'est au sud de Sainte-Tréfine, à Kerizalver, exactement, hein. Le village du Sauveur. Peut-être qu'il y a eu un lieu de culte à cet endroit-là, autrefois. Voilà. Et ensuite, bon, il y a Guarec, hein, dont le nom viendrait d'une courbe sur le Blavet, Guarec. Et puis ensuite, Pontivy. Alors, Guarec, Pontivy, hein, là, et ensuite, il va rejoindre son compère, le Scorff, dans la région, dans le pays l'Orienté. Et ce qui est amusant, c'est que dans le pays l'Orientais, ils changent de nom. Ils changent pas de nom, mais la prononciation change au fur et à mesure. Ça donne que Blauer ou quelque chose comme ça. D'accord. Blauer. Oui. Alors Blauer, Et il y a beaucoup de chansons qui parlent justement de Sir Blawar, hein, voilà. Et alors c'était aussi une voie de communication, hein. On dit que Saint Gilda justement est venu en remontant le Blavet. Donc on appelle des fois Gwaz and Veltas. Et tout du long du Blavet, il y a des sanctuaires à Saint Gilda. Comme à Lanrivain, par exemple, à Tachen, il y avait une chapelle, à Quadmel, à Carnoët, à Trémargat. Donc, on retrouve Saint-Gilda tout au long du Blavet, comme ça. Voilà. En souvenir de son passage. Oui. Alors, il y avait un prêtre, là, Yvon Motreff, qui avait fait un beau diaporama, justement, en suivant toute la vallée du Blavet. Je sais pas ce que c'est devenu, j'ai eu l'occasion de voir ça une fois, mais... Je sais pas ce que c'est devenu. Alors, il avait montré justement cette voie de communication qui est quand même quelque chose d'assez mythique. Hein. Gwaz and Veltas. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. On en reste là. On passe à Petra Zonévervo. Petra Zonévervo eri. Ben, calze draw et vel juste, de Bouervez Yuzan. Krogom de Dientan, velkis a custum, gandela bourdoua, agorvu et war armes. O ne peut concourir au tiese que zo benevesso bavro. Das quirm sguel et wabib a bea, der pember vis tremenet, hein. Pem warnugen belarinma, de zomus tremenet, baboulvri a wamamus dim et der beurre. Béar oa olon warnugen, olon diez e warnugen, hag baboulvriak oa pempatregon. Bon, pez ne ke fal benefin, hein, chomor a tiez e bavro. Hag oel un meus zo bet de ive o honkour ba gourin, bez e zo ba videur morbi, hein, ba misvouen, hag zo bet de ive o honkour ba uzel hag onel ba korle. Ha de bember mis gwen golo oe vo honkour bras ba lambal. Vite, Odo Tino Odo Nanternons, mais Odo Narvor. Bon, agace vocal, je disais que c'est juste. Payons nos comptes de ce disais que, bah, Gourine, vite, Gouela, Rampus, Zobé Gred, Zobé Disquezed, or manège, Gand Pider Jo, Gand Pider Brer, bah, la Pélarinmat, à Gand Zézo Gand Père Jo, ma personne, et vite, Trey, Vaneusen, hein. Puis un dorné rose ma peçoine. À Gwégel, lui, j'ai une plie cale sur manège, et vite dornant un est, à Gévé, vide mécanique, Pillerland. À Zéon énergie, spadus, velvelin, à Brémont. À Hebzotra, d'urbit. Mais l'on tombe corps, tu sais, c'est que ma treize. Gwégel, bonne vie change, change un tombe. Gwégel, bah, ou à Guin, naunet, un muscadet, ma carré, hein. Gros plans, au IV, hein. Un muscadet, William Gandbreis. Hag la revige et même ze wa guin ur vretonne d'un. A bremañ ve komz de ur muscadet ve leur guin de straunien de liger, hein, Val de Loire, ma peçoan. A kole de gantan identiteles breis, hein. A gondé nan par doar guin ur rose, guin d'anglet, Alain Coro, neus disquezet oise un draval et vite converseur, ur guinz. Et kole gantan identiteles. Ma vegret de Guin, bah, Christé Breis, hein, bah, bro, non, net. L'air elle vegret tientor, bir pégiste. Hag, blanmezobé de Honcourt, Randvrouel, vider gis, bah, castel duc de Breis, bah, non, net, juste mort. Hag, on sait, vegwell, warman, non, le de Breis. Hag, gis, zobé de, blanmezor, or, bin vidig, zévid Breis, hag, vos, uroir, bah, blanmezor de zone. Dans mon temps, vraiment, war dachen un endro. Ne vaisseau, varnerien. Ne scasse de val et tout de lemo habit in herbors, naulet. Pe herbors, y trône varia l'aneille. Avec nekeret bouzou en ganze, car justice neketin, justice en derwan, vraiment, gand un tucrin, a her mot, kaise herbot. A dis-moi qu'on ne bafine blanc, War mames daschen wo bapar is o peso ver en bras, on o ver en etrovo adel, war daschen a skel amzer, pi e l'imam a peswan. Hag her vek lev de, voyen an kalze dut, hein, et vid, kwel da gen zo moyen do, de vond war rog war en daschen ze. A gouskoude pe, de spes meus clev ben tregond lam, vo divej mur hirinich baner, et vid ne zo bremañ. A gansé, ekouz mont te gousket vel jonj al hefet tro war rog, war en daschen ze. Mais yo war vo tan mal de rez o, o koz mobilet en gante hag a reel der o mont gant kirinich devant le war ur bet. Ne veso, herve kalkul o en IGN, e ben hand vet zant karad kreiz breiz. L'ar de rang man zant karad just ba kreiz breiz. Hag virion ne kegur, putur zezo kreiz breiz, met breiz gant per departement. Hag an se ze neus ket dalvoudeg eus bet. Virion e kreiz breiz ur vro, zo un tan mat pel ar war tu eus avioul. Ma vezel en mat. Dan mon tan bremañ war dach en zevenadur. Sans se loa kuzul ur ministre de gomz en dedi ouz an deus mis vwen, deus karta ur yez ou gwasket. Evel oa be prometet gant Fanch Hollande pe oa kambali, triblasso. War an ket agenz o bekomz eo deus li, meus ket gwell eze war gazeten, met bon prezident de Camperegoz, Camperegoz e ar Sena, goudret, ya, ben, eze ar Sena e ar Camperegoz, un eus lar eze un eutre ou larche, un eus lar de rei seiz posub evi rei lam de nafarze, evel just ar vo gwell de Jacobinet o labourat d'orn a d'orn, Jacobinet de stu gwen a de stu ru, en ob d'or vrankis, hein, evil just, velkis a custum. Bagad boulvriag zo et oa deglasso ban drive de ruma de vigeur bagadou. Hag ede bremañ drevoz labourat, ban ei rumat deus ur bagadou. A zezo an dravoz evit skipaï. A vid Dominique Rouez o bapen en trou. Chansvad ur bagad boulvri ag nahen. Bremañ, an de gomz an tamm deus gwell en orian, deus ur fil vel velad, a zo bedigaset pedet blamant, di ouvro hag zo an tamm ba mam eus stad evel breiz, bro Kernov, hein, Kernever, ma peswant, deus an tu a deus enez en man ben tuel. Hag enan ben di ouvroz man un trao un tam vel breiz, ur Jezouz ou be mouget, evel ur brezon ag breiz. War enez en man, zo war dro perug en mil den, a zo dogvil hag war un tam bre, tam pedam ur man ag. Zira tre do a tri, dregant deus un dut. Bon, gant se velar d'or vro kelti, go an ketin. Hag evit her neveg, bon, mon trou, kasi war mam eus mot. Setu, trist war, stad ar yez ouze ba broio. Zo be pe de blam ba mandorian. Ba nan, man amzer pardon yo ba vro. Bon, kalz neptor du de vei, hon de va pardon yo, me dern mam eus tra, zo chomet, evel pardon zan di boan, gal hag e abibon, jonge peus gwen be ba chwa pel... Ba plevin, ya. Hag, oem ke be ba pardon, be oem hor on abar de nena. Hag, zo gret blam vid zan di boan o or banyol neve, hein. On an veson a skrive war na yo brezon, zan abibon, pe de devidon dud poanyet. Bon, a zizo an dravad. A gwell meus l'er hel veget bandel o bremañ. Bandel o neve, peut dire, ur egos o a yuz mat. On den a zo han av mat, bavro, pus a mot l'ar fendar, Jean Kergrist, pe Jean Hamon, hein, e gavtin e ihan, hag ihan l'eur an e Jean Kergrist, a tout d'une de jonge de ze furluc inatomique, a de ze furluc in laboureur doua, hag vraiment neus lid di rentor kant la war leuren. L'ar ni oa ken avo de leuren, o ne babla yo zo, me ra deud e, a blanc me neus ave d'ar pezoar, I gant di gomper l'or join, a zo randve d'ar pa bor ve aji. A me zong zo moyen de roar zin kalz gant gwell ze. Meus ke gwell roaz med... Bedor? Non, non. Bon, e ben, me zong le bra de velel. Hag on denel zo an arve mat Bavro e Eric Marchand. Ba dao viltri o oa bet krou et gantan Reis Academy hag ve graet ze bep daoula ve bod et gantan daouzeug den yaoung vel an ebestel, daouzeug vel an ebestel. Hag zon erien ak an erien. E vimont oa war rog, war dachen ar zon erez hag an. A blanc man c'hoaz bon et bibo de bembe de rumat hag rumat se zo pres vraiment vi mont war leuren a mont de rang de ziskouez breiz an tamm bagouelio breiz pez in kap d'ober kal se skrivadur kal ke skrivenerien neus bet skrive trog di war ben Ernest Renan po de Landrega an evesso zo bet skrive dadari or lever war bue Ernest Renan gant Jean Balcou A Jean Balcou ne se laboure pas déglawarze, hag a viv d'or vestiant an e beskrive de bu Ernest Renan gant ur braizat. Hag a ze sur war zo an tamm diz henvel de spesso begret beta bremañ. Bon, ba gwen gamm zo o logo neve, zo bet krouet da nevesso, hag o logo ru adu, a gwen, ive, an tamm vel ma peusoan bandiel braiz hag... gant liviou skipa in mel droat. Hag dern deus un dut zo kontant gazi, dern el zo en, ben evel kiz a kustum. Hendel, loar dach en ar brezon, hag ur strolat labourer ien dou ar brez, gal ak vel arnze agriculteur de Bretagne, ne zin en evesso, karta yad ar brezon. Be pla bremañ, pa de nan, ve tro ur chapelioù. Hag blanc me roaz o bikal ze dud o vel et tro ur chapelioù, tram ne de ba chapel log maria, ba iliz log maria ze zo ba rostre, na fa ze oa ba bonen gwejel, hag ba iliz zant kourant in tregorn, ba abat i kwan malouen, e ba kerber, ba iliz zant angeli, ba chapel i trant var ya dru e melionok, hag vide chui, ba iliz zant trefin, hag kal ze dud zo bet vel et ze. Vejenant zo gontandar deus murdiur faouet, kaz zo vegwell kal ze drou liva durio, hein, hag blanc me zo roaz un disko ezad, gant un den hag neus gret tolenou, oa yant betran pego ogie, a zo belar kan la so ba brez el perzeg. Hag chomera un disko ezad ze betamiz herri. Hag bon, de nu gantve de mis vwen, oa bo de bazan igouden, kuzul meiran RKB, hag chanchman zo bet, yant per deredel, oa ba pen un trou o de glaso, zo et de denzor o bremañ, ba plas Eliane Rudulier, hag Alan Rous, o podel de spur droaz, zo et de brezidant. Hag tu neve zo deud ba... Babur et RKB, vel Hélène Dénes, hag Odile Dax, hag bon, setu aze, or skipa yo encore un temps, presse de von Warog, evid RKB. Bon, setu un temps, pez son neve Bavro. Merci, Eric. Kenavo. Kenavo.